La lumière, suivant rapidement la courbe de la route, était devenue toute proche, et l'on distinguait nettement le galop des chevaux et le fracas des roues, qui, à en juger par le bruit, devaient aller à une allure désordonnée. Nom de nom, mais les chevaux sont emballés. Sale histoire pour celui qui est dans la voiture. Il y avait, chez les habitants de l'écluse d'Harvey, un grossier individualisme en vertu duquel chacun devait supporter le poids de ses propres malheurs, mais ne témoignait en revanche que peu de pitié à l'égard de ceux de ses voisins. Le sentiment qui dominait surtout chez ces deux hommes, tandis qu'ils observaient les feux agités des lanternes dans leur course folle, n'était à vrai dire qu'un sentiment de curiosité. « S'il ne les arrête pas avant d'arriver au guet, il est flambé », constata Hebb avec résignation. Soudain, il se produisit une courte accalmie au milieu de la tempête. Cela ne dura qu'un instant, mais dans cet instant, le vent apporta aux oreilles des deux hommes un long cri qui les fit tressaillir et s'entre-regarder, puis dévaler comme des fous la pente abrupte qui conduisait à la route en contrebas. « Une femme, pardieu ! » haletant d'Hurton, insouciant du péril qu'il courait lui-même en sautant par-dessus le trou béant d'un puits de mine. Morgan était le plus léger et le plus agile. Aussi ne tarda-t-il pas à prendre les devants sur son robuste compagnon. Une minute après, essoufflé, nu-tête, il était déjà debout au milieu de la route boueuse et molle, tandis que son compagnon descendait encore la pente avec difficulté. La voiture était à présent tout près de lui. Dans la lumière des lanternes, il discernait les maigres chevaux australiens qui, terrifiés par l'ouragan et par le bruit de leur propre galopade, dévalaient ventre à terre la côte rapide conduisant au guet. Sans doute, le conducteur aperçut-il la figure pâle et résolue qui s'était plantée en travers de son chemin, car il cria quelques mots d'avertissement inintelligibles et tenta un suprême effort pour arrêter son attelage. Il y eut un grand cri, un juron, un grincement sinistre, et Hebb, accourant à toutes jambes, arriva juste à temps pour voir deux chevaux furieux et affolés qui se cabraient en l'air, enlevant de terre une mince silhouette cramponnée à leur bride. Le patron, avec cette prodigieuse adresse à calculer son coup, qui avait fait de lui le plus parfait cricketeur de sa génération, avait, sans une seconde d'hésitation, empoigné les brides au-dessus du mort, et s'y était maintenu agrippé avec une muette ténacité. Au bout d'un instant, comme les chevaux abaissaient subitement la tête, il retomba avec un bruit mat sur la route, mais lorsque les deux bêtes hennissantes voulurent se ruer à nouveau en avant, elles s'aperçurent que l'homme qui avait glissé sous leurs sabots de devant n'avait quand même pas lâché prise. « Tiens-les, Osaïe ! » s'écria-t-il, tandis que le géant s'élançait à son aide et empoignait les rênes. « Ça va, mon vieux, je les tiens !» répondit ce dernier en maintenant solidement les chevaux qui, se voyant enfin domptés, se calmaient peu à peu. « Relève-toi, patron, il n'y a plus de danger !» Mais le pauvre patron, gémissant de douleur, restait étendu dans la boue. « Je ne peux pas, mon pauvre Osaïe !» répliqua-t-il d'une voix entrecoupée. « J'ai dû me démancher quelque chose, mon vieux, mais ne t'effraie pas, ça se remettra. Donne-moi la main pour m'aider à me relever. » Hebb se pencha avec tendresse sur son compagnon blessé. Il constata qu'il était très pâle et respirait avec peine. « Courage, mon vieux patron » murmura-t-il. « Oh oh, Mazette !» Ces deux dernières exclamations jaillirent spontanément de la bouche du brave mineur, comme si quelque force irrésistible les lui avait arrachées, et la stupeur où le plongeait ce qu'il venait de voir était si grande qu'il recula de deux pas. Là, de l'autre côté de son compagnon tombé, et à demi masqué par les ténèbres de cette nuit terrible, se dressait une vision si délicieusement belle que jamais le pauvre Hebb d'Hurton, pendant tout le cours de sa simple existence, n'en avait rencontré de pareille. Pour des yeux habitués comme les siens à ne jamais rien contempler de plus séduisant que les figures grossières et les barbes incultes des mineurs de l'écluse, ce visage si délicat et si frais ne semblait pouvoir appartenir qu'à un angélique messager d'un monde meilleur. Il ne faut donc pas s'étonner si Ève resta pétrifiée de surprise et fut saisie d'un tel émerveillement respectueux qu'il alla jusqu'à en oublier, pour le moment, son ami blessé qui gisait sur le sol. « Oh, papa !» s'écria l'apparition avec un accent plein d'émotion. « Il est blessé !» Et dans un mouvement spontané et très féminin, elle pencha son corps souple vers l'infortuné patron Morgan. « Tiens, mais c'est Hebderton et son associé !» s'écria tout à coup en s'avançant le conducteur de la voiture, qui n'était autre que M. Joshua Sinclair, l'expert des mines. « En vérité, mes enfants, je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance. Les maudites bêtes avaient pris le mort aux dents, et sans votre intervention providentielle, j'en aurais été réduit, un instant plus tard, à jeter Carrie à bas de la voiture et m'en remettre ensuite à la grâce de Dieu. » « À la bonne heure, » ajouta-t-il en voyant Morgan se relever. « Vous n'êtes pas grièvement blessé, j'espère ?»« Oh, je vais pouvoir regagner la cabane à présent, » répondit le jeune homme en s'appuyant sur l'épaule de son associé. « Mais vous, comment allez-vous conduire Mademoiselle Sinclair chez elle ?»« Oh, nous irons bien à pied, » assura la jeune fille en se secouant pour dissiper sa frayeur. « Nous pouvons remonter en voiture et prendre la route qui longe la rive de manière à éviter le guet, » lui dit son père. « Les chevaux ont l'air assez calmes à présent. N'aie pas peur, Carrie. Et quant à vous, mes amis, j'espère que vous viendrez nous voir. Nous ne sommes pas prêts d'oublier le service que vous nous avez rendu. » La jeune fille ne dit rien, mais elle laissa échapper de dessous ses longs cils un petit coup d'œil modeste et reconnaissant qui impressionna vivement Hebderton. Pour en mériter un pareil, le brave mineur n'aurait pas hésité à barrer le passage à une locomotive emballée. On se souhaita gaiement la bonne nuit de part et d'autre, M. Sinclair fit claquer son fouet et la voiture disparut dans les ténèbres. « Dis donc, papa, tu m'avais raconté que ces gens-là n'étaient que des brutes !» murmura Mademoiselle Carrie Sinclair après un long silence, lorsque les silhouettes sombres des deux hommes se furent effacées dans l'obscurité, et tandis que la voiture poursuivait allègrement son chemin sur le rivage du cours d'eau tumultueux. « Pour ma part, je n'en crois rien, et je les trouve même très gentils. » Et pendant tout le reste du trajet, Carrie demeura plongée dans un recueillement insolite. On aurait même dit qu'il lui en coûtait moins, à présent, d'avoir été forcée d'abandonner sa bonne amie Amelia, restée en pension à Melbourne. Cela ne l'empêcha point, le soir même, d'écrire à cette jeune personne une longue lettre dans laquelle elle lui faisait un récit véridique et circonstancié de leur mésaventure. « Figure-toi, ma chérie, qu'ils ont réussi à arrêter les chevaux emportés. Seulement, l'un de ces deux pauvres garçons a été blessé. Oh, Amy, j'aurais voulu que tu voies l'autre avec sa chemise rouge et son revolver à la ceinture. » « Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi, ma petite. C'est exactement le type d'homme que tu préfères. Tu te souviens, une moustache blonde et de grands yeux bleus. Et ce qu'il m'a regardé ? Ah, pauvre moi ! Tu peux m'en croire, Amy, on ne voit jamais d'homme de cette trempe dans Burke Street. » Et ainsi de suite, durant quatre pages de babillage. Pendant ce temps, le malheureux patron, encore très ébranlé mais solidement soutenu par son compagnon, avait réussi à regagner la cabane. Ebe le soigna, selon les primitives formules en usage dans le camp, et lui banda son bras d'Amy. Tous deux peu causeurs, ils ne firent aucune allusion à ce qui s'était passé. Quiconque, après un voyage, serait rentré dans la bourgade de l'écluse d'Harvey, peu de temps après l'arrivée de Mademoiselle Carrie Sinclair, aurait certainement observé des modifications importantes dans les us et coutumes de ses habitants. Provenait-elle de l'influence civilisatrice apportée par la présence d'une femme, ou bien d'un esprit d'émulation suscité par la mise recherchée d'Hebderton ? C'est ce qu'il serait assez difficile de décider. Dans tous les cas, il est un fait certain, c'est que ce jeune homme manifesta subitement de tels goûts de propreté et un respect si prononcé pour la bienséance que tous ses compagnons s'en étonnèrent d'abord et le tournèrent en ridicule ensuite. Que le patron Morgan se montrât toujours vêtu d'une façon correcte, c'est une chose que l'on était depuis longtemps habitué à considérer comme un phénomène bizarre et inexplicable résultant de son éducation première. mais que ce brave type bonasse et dégingandé d'ossailles s'affubla d'une chemise propre, cela devenait une insulte directe et préméditée pour tous les citoyens crasseux de l'écluse d'Harvey. La riposte ne se fit pas attendre. Ce fut un asticage général après les heures de travail, et il se fit une telle consommation de savon que cette denrée ne tarda pas à atteindre un prix exorbitant et que l'on fut obligé d'en faire venir une commande du dépôt de Macfarlane à Buckhurst. Une autre chose aurait encore frappé notre voyageur à son retour. C'est le changement qui s'était également opéré dans les conversations. Dès qu'un certain coquet petit chapeau encadrant une douce figure de jeune fille faisait au loin son apparition, parmi les puits abandonnés et les monceaux de terre rouge qui défiguraient les flancs de la vallée, on entendait un murmure d'avertissement passer de groupe en groupe, et tout de suite, comme par un coup de baguette magique, se dissipait l'atmosphère de blasphème qui était celle au milieu de laquelle, j'ai le regret de le dire, on était accoutumé de vivre à l'écluse d'Harvey. Pour ces choses-là, il n'est que le premier pas qui coûte, et il est à remarquer que longtemps après que Mademoiselle Sinclair était passée, les propos demeuraient beaucoup moins grossiers. Ces hommes s'apercevaient que leur vocabulaire était moins restreint qu'ils ne le supposaient, et que ce n'est pas toujours les mots les plus malsonnants qui expriment le mieux ce que l'on veut dire. On avait toujours considéré jusqu'alors Abe Durton comme l'un des mineurs de la colonie les plus expérimentés et les plus habiles à estimer la valeur d'un filon. On l'avait toujours jugé capable d'apprécier avec une remarquable exactitude la quantité d'or que renfermait un fragment de quartz. C'était pourtant bien à tort, sans doute, car autrement il se serait à coup sûr évité des frais inutiles, au lieu de faire expertiser, comme cela lui arrivait si souvent maintenant, tant de spécimens sans valeur. M. Joshua Sinclair se vit inondé d'un tel déluge de fragments de mica et des morceaux de rocher renfermant un pourcentage infinitésimal de métal précieux qu'il en arriva à avoir une très piètre opinion des capacités minières du jeune homme. Dans tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que, grâce à ses visites commerciales le matin et à ses visites de convenance le soir, la haute stature du mineur devient bientôt familière dans le petit salon de la Villa des Azalées, comme avait été nommée la nouvelle maison de l'expert. Lorsque la jeune fille se trouvait là, c'est à peine s'il osait ouvrir la bouche pour parler, et il se contentait de rester assis sur le bord de sa chaise, absorbé dans une muette admiration, tandis qu'elle jouait quelques morceaux sur le piano qu'on venait de lui amener. Ses pieds prenaient toujours les positions les plus étranges et les plus imprévues, à tel point que Mademoiselle Carrie en était arrivée à ne plus les envisager comme partie intégrante de son corps et à ne plus s'émouvoir lorsqu'il les lui fallait enjamber d'un côté de la table alors que celui auquel ils appartenaient se répandait en excuses de l'autre. Un seul nuage assombrissait les radieuses espérances du brave Osaille, c'était chaque fois que revenait Tom Ferguson le Noir du guet de Rochdale. Ce jeune drôle, qui était fort loin d'être bête, avait réussi à se gagner les bonnes grâces du vieux Joshua et faisait de fréquentes visites à la villa. À vrai dire, ce Tom le Noir ne jouissait pas d'une réputation bien fameuse. On le savait joueur et on le soupçonnait fort d'être pire. Les habitants de l'écluse d'Harvey n'étaient pas gens austères, Dieu le sait, et pourtant, ils avaient tous l'impression que Ferguson n'était pas un homme à fréquenter. Néanmoins, il avait des manières désinvoltes et une conversation brillante qui séduisait dès le premier abord et qui décidèrent le patron, pourtant assez difficile sur ce chapitre, à nouer connaissance avec lui tout en l'estimant à sa juste valeur. On aurait dit que c'était pour Mademoiselle Carrie un véritable soulagement lorsqu'elle le voyait revenir et elle causait avec lui pendant des heures entières à propos de livres, de musique et des distractions de Melbourne. C'est dans ces moments-là que le pauvre et simple Osaille se sentait envahi par un insurmontable découragement et tantôt il s'esquivait comme un voleur, tantôt, il demeurait immobile à sa place, fixant son rival d'un œil rancunier qui paraissait beaucoup le divertir. Le mineur ne cherchait nullement à dissimuler à son ennemi l'admiration que lui inspirait Mademoiselle Sinclair. S'il demeurait incapable de rien dire quand il était près d'elle, il avait vite fait, par contre, de retrouver sa langue pour en parler. Pour le reste, confiant dans l'intelligence supérieure du patron, Ebb d'Urton lui exposait fréquemment ses inquiétudes. « Cet abruti de Rochdale, dit-il un jour tristement, il vous débite ça tout de go, sans avoir l'air d'y toucher, tandis que moi, j'ai beau me creuser la cervelle, je ne trouve pas un seul mot à dire. Voyons, patron, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu raconterais bien à une jeune fille comme Mademoiselle Sinclair ?»« Ce que je lui raconterais ?»« Mon Dieu, je ne sais pas, lui répondit son compagnon. Je tâcherai d'imaginer quelque chose qui puisse l'intéresser. » « C'est justement ce que je cherche aussi, seulement voilà, je ne trouve pas. »« Eh bien, explique-lui, par exemple, quels sont les usages et les coutumes du pays, » repartit le patron en tirant rêveusement de grosses bouffées de sa pipe. « Raconte-lui des anecdotes sur ce que tu as vu dans les mines, ça la distraira. »« Bien vrai, c'est ça que tu ferais, toi !» s'écria son compagnon qui se sentait renaître à l'espoir. « Mais alors, mon vieux, je suis bon !» La prochaine fois que je la rencontre, je lui parle de Chicago Bill et je lui raconte comment il a mis 2 balles dans la peau de l'homme. Le patron Morgan éclata de rire. « Ah non, non, mon garçon, ne t'avise pas de cela, répliqua-t-il. Tu ne réussirais qu'à l'épouvanter en lui narrant une pareille histoire. Parle-lui de quelque chose de plus gai que diable, quelque chose qui l'amuse, quelque chose de drôle. » « Quelque chose de drôle, » répliqua l'amoureux inquiet d'une voix moins assurée. « Alors, faut-il lui dire comment nous avons saoulé tous les deux Max Oulalan et comment nous l'avons enfermé dans la chaire de la chapelle anabaptiste ? Même que le lendemain matin, il ne voulait pas laisser entrer le prédicateur. Hein, qu'en dis-tu ? Garde-toi bien de ne jamais faire allusion à cela, » protesta son mentor avec consternation. Elle serait tellement scandalisée qu'elle ne voudrait plus jamais t'adresser la parole. Non, vois-tu, ce qu'il faut que tu lui expliques, ce sont les habitudes des mines, la façon dont les hommes y vivent, y travaillent et y meurent. Si c'est une jeune fille d'un peu de bon sens, cela l'intéressera certainement. La vie qu'on mène dans les mines ? Ah, patron, que tu es bon de m'avoir dit cela ! Comment qu'on vit ? « Dame, pour ce qui est de ça, ça me connaît plutôt et je me charge d'en débiter aussi long là-dessus que Tom le Noir. C'est entendu, à la première occasion, je suivrai ton conseil. » « À propos, » ajouta négligemment son associé, « tâche de le tenir un peu à l'œil, ce Ferguson. Il n'a pas la conscience très nette, je crois, et c'est un individu qui ne doit reculer devant rien quand il se propose d'atteindre son but. » Tu te souviens comment Dick Williams, d'Englishtown, a été retrouvé mort dans la brousse. Naturellement, on a dit que c'était les Birch Rangers qui avaient fait le coup, mais n'empêche que Tom le Noir lui devait beaucoup plus d'argent qu'il ne lui en aurait jamais pu payer. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il se trouve mêlé à de louches aventures. Donc, attention, Ebb, surveille-le de près. « Compte sur moi, » repartit son compagnon.